Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission qui s'en vient parce qu'on a plein d'invités. Aujourd'hui, en fait, on accueille un nouveau collaborateur, M. Louis-Étienne Desgagnés, qui va être là vers la fin de la deuxième heure de Puissance Maximale pour venir nous parler d'un jeu de plateau qui s'appelle Québec, qui a remporté les plateaux d'or lors des journées ludiques de Québec l'année dernière. Je sais pas si c'est l'année dernière, mais bref. Ils l'ont déjà gagné. Dans ce coin-là. C'est ça. Et on va avoir, bien évidemment, M. Éric Lajeunesse. Ouais. Salut Éric, ça va bien? Ben oui, ça va. Et là, qu'est-ce que t'es venu faire? Nous parler bière, bien évidemment. Ouais, en prendre aussi. Ben oui, puis là, de quoi on va parler ce mois-ci, M. Lajeunesse? Ben, on va commencer par la mise à prix du grimoire. OK. Parce qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le grimoire. Yes, monsieur. Puis l'autre, tu lentes les mains. L'autre, ça s'appelle... J'ai pensé à toi là pour celle-là aussi. Ouais. Là. Milton Star Houblon Happy Hop Cidre, un produit du Québec. Un cidre, mais houblonné. Donc, ouais. Plus un mix entre une bière et un cidre. Donc, je risque de l'aimer, celui-là. Ah, c'est bon. Bon, ben j'ai hâte de goûter à ça. Quoi, t'es en train de dire que tu ne seras pas de mauvaise foi envers un cidre? Je suis jamais de mauvaise foi. Je fais toujours preuve d'une grande ouverture d'esprit. Donc, restez à l'écoute, mesdames et messieurs, pour ce test de goût. Et je suis bien entendu en compagnie de M. Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va bien, t'étais mieux de me nommer. Ben oui, j'arrivais à toi. Puis là, tu nommes tout le monde. Moi, je passe en dernier. Ben c'est ça. C'est garde le meilleur pour la fin. Ah. Et non, parce que je ne me suis pas présenté. Mon nom, moi, est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là pour vous parler jeu. Tu sais, je peux éteindre ton micro. Hein? Tu peux, mais moi, je parle fort. Exact. Puis il fait office de mon bon sucré à soir, en plus. Non, c'est ça. Donc, voilà. Toujours content d'être là chaque semaine pour parler jeu avec mes nombreux collaborateurs. Et là, on va parler bière, on va parler jeu avec Andrew et Eric sur place. On va parler aussi de nouvelles ludiques tout au long de l'émission. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres. Aussi, on vous invite, bien évidemment, à vous rendre sur Facebook pour aimer la page de Puissance Maximale. Vous tapez tout simplement Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement grâce à un petit like de notre page sur Facebook. Ben, ça vous permet de recevoir plein de nouvelles tout au long de la semaine. Évidemment, de recevoir des exclusivités à propos de l'émission, ainsi que la possibilité de participer à nos concours. Et parlant de concours, M. Castegan, on en avait un avec M. Guy Bergeron, avec son dernier roman. Je m'étais amusé de concours, non? Ben non, parce que le concours a déjà été lancé et se terminait hier. Donc, on faisait tirer une copie du livre Fils de Troie, dont on a parlé il y a deux semaines à l'émission, donc de Guy Bergeron, un auteur de la région. Et là, on a notre gagnante, Madame Véronique Thibault, qui se mérite... Ouais! Oui, donc qui se mérite une copie. On fait la vague! Ouais. Non, vous ne voyez pas, là, mais on fait la vague. Faites ça, les gars, pendant que moi, je continue à dire des choses intéressantes. Donc, Véronique se mérite une copie signée, autographiée par Monsieur Bergeron. Donc, Véronique, j'ai juste besoin de contacter avec nous via la page de Puissance Maximale dans les messages pour privés. Pour qu'on puisse te poster le tout. Voilà. Donc, félicitations à Véronique. Mesdames et messieurs, avant d'aller parler avec Monsieur la jeunesse de bière, bien évidemment, on va faire on comme... On va venir notre bière. Ouais, c'est ça, parce qu'on en a pris une petite avant, là, une petite Sam Adam, une nouveauté, une Boston Lager. Là. Ça fait pas longtemps que c'est en vente au Québec. Là. Exact. On a goûté à ça, c'est bien bon. Oui. Mais là, avant tout ça, ben, on va aller en musique, Monsieur Castegan, comme à notre habitude. Et là, on va... C'est vrai. J'avais ça préparé, moi. Et là, on va aller écouter une petite chanson jazzy de Boris Vian, et vous allez voir que c'est d'assez de circonstances. Ça s'appelle « Je bois oh. ». Ouais. Et on vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ces 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante. Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Boris Vian et sa chanson « Je bois ». Parce que oui, mesdames et messieurs, nous allons boire en compagnie de Monsieur Éric Lajeunesse. Hey, j'ai oublié de perdre de quoi? D'un peu. Ah oui, c'est vrai? Hein? Ah, mais... Là, je joue aux jeux vidéo, mais me semble qu'il manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Et voilà. C'est à cause qu'on a passé un bout de 100 chroniqueurs, hein? Non, ben là, c'est ça. Je m'ennuie de toi, Eric. Ouais, ça, ouf, ça respect. Et là, Eric. Je me sens tellement apprécié, tout d'un coup. Et là, on va commencer cette chronique, monsieur Eric. Cette première partie, en fait, parce qu'on fait ça en deux parties, on a deux produits à déguster. Et le premier produit, ça s'appelle la mise à prix de la microbrasserie Le Grimoire. On vous rappelle que Le Grimoire, ben, c'est à Granby, Québec. Donc là, il n'y a pas une grosse description, en fait. Là, je suis sur le site du Grimoire. Bon, cette bière-là, c'est une édition limitée. Exact. Fait, je crois que la mise à prix n'est même pas sur le site. Non, c'est ça que, ça que j'ai constaté en me promenant. Donc, difficile. En tout cas, on n'a pas de description officielle. Je peux vous lire ce qu'il y a sur l'étiquette, par exemple. Là. À cet instant, je me trouve devant un adversaire redoutable. D'un seul coup, se décidera l'avenir de chacun. Pour une justice qui doit être appliquée, ma vie est suspendue à un fil, vivre ou mourir. Le plus vite des deux aura raison de l'autre. Si personne ne se met debout devant l'injustice, qui le fera? Et voilà, c'était le petit côté radio-roman de ce soir. C'est ça qui est écrit sur l'étiquette. Il n'y a pas de description du produit. Non, puis si tu regardes l'étiquette, c'est vraiment un face-à-face, c'est un duel au soleil. Ah oui, là, c'est un duel à Hockey Corral. Ouais. Donc, évidemment, la mise à prix, là, référence. Cette vie n'est pas assez grande pour nous deux, cow-boys. Cow-boys. Voilà. Donc, on parle d'une bière. En tout cas, on a sent les mains, on peut toujours tout de suite regarder la robe. Ça tire entre le brun et le roux. Non, moi, je trouve pas que ça ressemble à un roux, moi. Toi, t'es toi. Mais non. Pour le mot juste, hein, ça. Non, c'est ça. Donc, ouais, pour la couleur. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai peut-être les deux. Ben, yeux. C'est. Ça a une odeur sucrée, je trouve. Ouais. Oui, une belle couleur caramel. On le sent un petit peu. En fait, pour en avoir déjà parlé dans une chronique précédente, je suis un fervent amateur de la vie de château du même brasseur. Oui. Puis, comme la vie de château est difficile à obtenir souvent parce qu'elle est tellement en demande qu'ils fournissent pas d'enfer. Produit très populaire. Je me suis fait proposer celle-là. Un bonjour où il n'y avait plus de l'autre. En me faisant dire, ben la recette, ça ressemble. C'est du whisky au lieu du rhum. Fait que ça se ressemble beaucoup côté... Ben c'est ça, on parle d'une ambrée au whisky. Oui, de 8%. C'est 1% de plus que la vie de château quand même, qui est une 7. Ça se détaille. En tout cas, celle qu'on a, ben, ça doit être ça pour... tout le temps, en fait, là, c'est aux 660 millilitres. Ouais. Les grandes bouteilles, vu que c'est une édition limitée. C'est ça. C'est une belle grosse qui se vend entre 8 et 9. Là. C'est quand même abordable pour la quantité et la qualité du produit. Oui, tout à fait. Ça ressemble beaucoup à la vie de château. Beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup. C'est pour ça qu'on l'aime autant que ça. Puis j'en ai pris, il y a une bonne partie de mon dimanche. A été arrosé. Qui a été consacré à ça. OK. Puis j'ai eu bien du plaisir... à la déguster, puis en fait, à la redécouvrir, parce que je la connaissais déjà un petit peu. Mais puis pourquoi j'ai choisi celle-là cette semaine, quand je l'ai vue tantôt en plus? C'est parce que j'ai eu un petit gadget que j'ai commandité il y a déjà un petit bout de temps. Si vous connaissez Kickstarter... Bien évidemment, ben oui, on n'en parle pas assez. C'est ça. Non, c'est ça. Ben, il y a une petite business qui s'appelle Ink Whiskey, qui a mis sur le marché des flasques à boissons. Mais... en forme de cassette de NES. Yes! Puis quand j'ai vu le produit, j'ai fait comme, waouh, c'est trop hot. Faut que je commandite le produit. Fait que j'allais commanditer. On l'a en studio, puis là, je vais en profiter pour prendre une belle photo que je vais mettre sur la page de puissance maximale pendant que tu parles, Eric. Puis le produit est vraiment, vraiment bien fait. À part, si tu regardes en dessous, tu vois pas les pins de la cassette, là, c'est une cassette de NES. Puis on fait des jeux de mots cocasses aussi sur les étiquettes. Là. Même les étiquettes sont comme des parodies des étiquettes. Là. La mienne, en fait, c'est une Drunk Hunt qui fait référence à Duck Hunt. T'as Metal Beer Solid, t'as Legend of Drink, des choses comme ça. Puis en convention, ils disent qu'ils vont avoir la Golden Edition. Ouais, exactement. Comme l'original. Là. Fait que c'est vraiment une belle bebelle. Là. C'est pas, comme on disait tantôt, hors d'onde, c'est pas... ça boit pas super bien directement du flasque. Ben, c'est pas si pire. Je l'ai essayé. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, mais c'est quand même. Ben, en fait, je te dirais, il y a un bon côté. La façon que tu peux boire avec, tes lèvres rentrent pas en contact avec l'embout de la cassette. Mmh. Fait qu'advenant que tu partages ton flasque, ben, t'sais, il y a moins de risques que quelqu'un mette sa langue dans le trou puis des affaires de même. T'as advenant que t'as un pervers qui boit. Là, exact. Puis tu sais, pour référencer aux gens comme faux, là, dans le fond, le bouchon, ça se trouve être la grippe qui servait à retirer la cassette de ton NES. Là. C'est vraiment une belle bebelle. Non, c'est ça, comme j'ai dit, c'est ça, vu le format, c'est un peu tannant, on peut pas traîner ça dans sa poche intérieure de son veston. Ouais, il y a pas la petite curve comme dans l'autre, là. Non, c'est ça, dans les flasques. Ça passe plus incognito qu'un petit flasque, par exemple. Tout à fait. C'est que là, le monde va peut-être vous trouver bizarre de sortir votre cassette de NES de même en de... T'as-tu vu, j'ai une cassette de Duck Hunt limitée. Non, c'est ça. Qu'y fait-il, le coquin, il y boit un liquide, ma foi. C'est ce qui m'a donné le goût de l'acheter, là, la mise à prix. Puis, si vous en avez pris une petite sip déjà, ben vous remarquez que à goûte le whisky, pas rien qu'un peu. Ouais, c'est du Jack Daniel. Tu sais, je trouve que... Non, on parle de la bière, là. OK. On parle plus de ce qu'il y a dans la flasque. On parle plus du flasque. On parle plus du Concealable flasque. Elle goûte beaucoup plus le whisky que... On le goûte plus. La vie de château peut goûter le rhum. Oh, oui. Puis, t'as quand même un petit peu le côté vanille, mais il est moins pressé. Elle est moins sucrée que la vie de château. Ouais. Je l'aime bien. Mais j'avoue que je préfère la vie de château. Mais ben, elle est très bonne. Oui. Mais tu sais, c'est quand même un excellent substitut. Tu sais, tant qu'à prendre de la Bud Light ou de la Corona. Non, ça c'est indéniable. Là. Tournons-nous tout de suite vers le grimoire. Exact. Sans hésitation. Alors, encore une fois, un excellent produit du grimoire. Ils ont une autre nouveauté aussi qu'on essayera peut-être, même si je ne suis pas un fervente blanche. Dans les semaines à venir, là, qui s'appelle l'Everest. Okay. Comme je vous dis, c'est une blanche que je connais pas. Je trippe pas, mais on essaiera. L'été s'en vient, là, les filles, les blanches. Non, c'est ça. On n'aura pas le choix d'y goûter. Là. Exact. Et voilà. J'en bois de moins en moins des blanches, voilà. Mais je n'ai bu une bonne. J'étais allé à la Voie Maltée, moi, hier, sur Pierre-Bertrand, Québec. Là. Ça vaut la peine de faire un petit tour. Ils ont vraiment des bonnes bières. J'en ai goûté une au Bleuet. Oh. Pas très fruité, mais un bon goût de blé. Mais vraiment, là, une excellente bière. Je la recommande chaudement, celle-là aussi. Mais ouais, pour la mise à prix, encore une fois, un bon produit de la gang du Grimoire. Oui. Et oui, t'avais-tu quelque chose à rajouter, Ndoro? Je te voyais. Non. D'accord. Donc, vient la question, messieurs, on boit ça en faisant quoi? Ah, ben, qu'est-ce que j'ai fait en les buvant? Non, c'est ça, hein? Je me suis retapé avec grand plaisir les Golden Axe. Oh! OK. T'es allé dans le classique des classiques, ouais, toi, là? Oui, classique des classiques. J'avais envie d'un bon brawler antique, évidemment, sur ma machine d'arcade. Oh, oui, c'est tout ça. Le temps ça. Mais c'était... Moi, je vais arrondir. Je jouerais sa machine d'arcade, Eric. Non, c'est ça. Ouais. Tu vas relancer. En général. J'ai vraiment redécouvert la série. C'était... Ben, moi, ce que je ferais, en fait, je jouerais un jeu, mais un jeu de plateau. J'irais avec King of Tokyo, auquel on a joué, moi puis Andrew. C'est des parties relativement rapides. Ça peut quand même aller assez vite. Surtout quand tu meurs. Ouais, quand tu meurs, t'as ta petite bière pour t'accompagner pour le reste de la game. Mais King of Tokyo, un jeu très, très fun, jeu de plateau. Un jeu de plateau minimaliste. Ouais, c'est ça, un tout petit plateau carré, quand même plusieurs pièces qu'on garde devant soi, là, des counters, vous avez, bon, parce que vous en avez pas mal, là, tous des petits jetons en carton pour différents effets que vous pouvez faire. Donc, King of Tokyo, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est vous faites un monstre qui détruisez Tokyo. C'est qu'il y a l'équivalent d'un King Kong, d'un Godzilla, il y a même dans une des expansions, il y a un panda géant. Donc, ouais, il a pas pu démontrer sa puissance. Non, malheureusement. Quand on a joué, Andrew, tu t'es fait, rapidement clouer le bec par une de nos adversaires, je pense. Ouais. Une jeune fille qui joue avec nous autres, qui t'a ramassé dans un tour. Mais jeu pas compliqué, c'est vraiment rapide à apprendre les règles. D'ailleurs, on avait joué avec Louis-Étienne. Quand on avait joué lors de Nadeshikon, donc Louis-Étienne qu'on va voir tantôt. Donc, King of Tokyo, là, ce genre de jeu-là, je pense que ça se marie bien, très bien avec ça, parce que la bière n'a pas trop le temps de se réchauffer. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon verdict à moi. Hmm. Toi, quel mauvais merdique. Quel mauvais merdique. Mauvais merdique. Ouais, voilà, ça c'est encore Andrew. Andrew qui prend le temps encore une fois de penser à ce qu'il dit. Veux-tu revoir la flasque, Andrew? Non, c'est correct. Non, ah, Andrew. Bon, voilà. Pac-Man. Bon, tu vois, t'es capable d'avoir ton... Donc voilà, Pac-Man pour Endo. Ben, encore une fois, un classique de l'arcade. Donc voilà. En fait, Pac-Man. Ouais. Oui, là, non, pour pas que Eric fasse... Non, c'est ça. Ou encore que je me repointe chez eux, puis il fasse... Non, c'est à cause que c'est classé sous Pac-Man, son vrai nom. Je fais comme, ah. C'est-tu classé de même pour vrai sur ta machine? Ouais. Pac-Man, ah oui. Ben, oui. Bon. Ah oui, c'est les originaux que tu vois sur que tu vois dans le menu, les clones n'apparaissent pas. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc, c'était la mise à prix que vous pouvez vous procurer. On vous le rappelle, dans notre cas, là, la chronique de M. Eric est présentée par nos amis du dépanneur tout près à Lévis, sur la rue Wolf. Donc, si vous voulez vous chercher de la bonne bière et autres produits du genre, là, évidemment, ils ont du cidre également, on vous l'a dit. Puis là, vous pourrez le constater aussi un peu plus tard dans l'émission. Rendez-vous au dépanneur tout près pour vous procurer ces délicieux produits. On remercie encore une fois les gens du dépanneur tout près. Et on salue Marise et France qui sont sur une plage au Mexique. Ouais, ils se sont tannés. Eux autres, ils ont compris. Oh, mais ça, hein? Ils se sont compris. Nous autres, on a encore de l'espoir. Ils sont tannés plus vite que nous autres du 4 degrés. De l'hiver qui ne finira jamais. Je m'en vais à Montréal en fin de semaine. À la même date l'année passée, je suis allé. Puis l'année passée, j'étais en petite chemise blanche, légère, puis en short. Là, quand je suis allé à Montréal, puis là, je pense que demain matin, quand je vais partir, je vais amener mon coat, malheureusement. Donc voilà, mise à prix, le grimoire, allez-vous chercher ça au dépanneur tout près, ou si vous êtes de la région de Montréal ou trop loin, là, vous allez dans votre dépanneur préféré spécialisé pour vous trouver ce délicieux produit. Voilà. Monsieur Castegan, il est temps de retourner en pause musicale et on va rester dans le domaine de l'alcool, encore une fois, avec cette chanson. Là, accrochez-vous, il y a quand même une intro d'une bonne trentaine de secondes à cette chanson-là, mais ça vaut la peine de rester jusqu'au bout, parce que cette chanson-là s'appelle « Le Robineux Robin » de Zed et ses disciples. On aime bien Zed et ses disciples, groupe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont écrit une chanson... De puissance maximale, carrément. C'est pas un bout qu'on n'aura pas passé. On pourrait peut-être, la semaine prochaine, on pourrait passer ça. Donc, on vous envoie ça. Zed et ses disciples et la chanson Le Robineux Robin dans vos oreilles à CJMDFM 96.9 à Lévis. Sport, musique, politique, talk. 100% Lévis. T'es toujours sur le bord, là, pis man, tu sautes, tu t'en fous, man. Pis après ça, tu rentres dans le tuyau, man, que tu peux. Pis mange un champignon, man. Mange un champignon! Steve, vous une chanson! Ah, ouais, Steve! Fais-nous la tête! Ah, ok. Tellement saoulé que j'avais même pas vu où j'avais dégueulé. Était-ce au beau milieu la cage d'escalier à côté de l'évier ou dans le rack à souliers? J'ai fait un nouveau score. Je ne sais pas si je devrais être encouragé à le surpasser. Je me suis Christmas scrappé une caisse de 24 pour la ligne d'arrivée. Et le robineux robine. j'entreprends. Mais ce que j'entreprends, c'est de prendre un coup. J'ai pensé aller. Oh, ah, ah. Mais je dirai pas, parce qu'il n'y a pas de bière là-bas. Même pas alcoolisé. Le cuisinier cuisine, le jardinier jardine, le pharmacien farcine et le robineux robine. À cause je me suis saoulé, je ne sais pas m'arrêter. Minasan, konnichiwa. Nihon dewa, Naruto dake janakute, minasan, minna de, igo o shiteru. Soshite na, Quebec ni mo, igo o shite kudasai. Imakara, puissance maximale, kite kudasai. Et oui, de retour à puissance maximale après Z et ses disciples et le robineux Robin. On vous rappelle que Z et ses disciples, vous tapez ça sur Google, il y a leur site, vous pouvez aller chercher leur album, pas cher, pas cher, puis il y a un deuxième album. Ben, pas cher, c'est pas mal. Non, mais c'est Bandcamp, c'est que vous pouvez payer zéro, mais moi je dis toujours aux gens, payez au moins un petit 5$ là, pour encourager les bandes là-dessus. Là. Ouais. Donc voilà, allez parce vous chercher. Parce que c'est l'album de la musique libre de droit. Ouais, mais payer quand même les bandes, c'est toujours. Non, je dis pas toujours payer, je dis payer, mais. Ça parce que c'est de la musique libre de droit. Voilà. Donc, c'est ça, mesdames et messieurs. Vous avez entendu ça dans vos oreilles. Là, on vient de poster. J'ai mis la photo sur mon Facebook personnel et sur celui de Puissance Maximale. Et en tout cas, du côté de mon Facebook personnel, vive réaction à la vue de ce flasque légendaire. Disponible dans. Vous pouvez aller sur Internet au www.inkwhiskey.com pour aller voir ce qu'il y en est. Mais si vous allez sur la page de Puissance Maximale Facebook, vous allez avoir la photo. Et l'adresse URL là, sur Internet pour aller voir tous les beaux produits que cette compagnie a à offrir. 20$ sans compter le shipping. Voilà, merci beaucoup, M. Castegan. Et là, il est temps d'aller en nouvelle ludique. J'ai encore une fois pas sorti le. Ben oui, Andrew, toi qui voulais sortir une tradition. Non, mais je l'ai. Voici donc, mesdames et messieurs, saviez-vous que. Le premier Final Fantasy a été programmé par un seul homme qui ne comprenait pas c'était quoi un RPG. Et ça a quand même été un pionnier et la pierre angulaire du JRPG, on va le dire. Mm-mm. La fondation. Le gars qui savait pas partout c'était quoi. Oui, et le programmeur, dans le fond, c'était M. Nazir Gebeli. Qui était... C'est même pas un japonais? Non. Ah ben, calvose. Puis, dans le fond, c'est un américain iranien. Ah, oh, ouais? Ouais. Bon, ben moi, je vais vraiment me coucher moins niaiseux. Moi, je pensais que Final Fantasy avait des racines nippones depuis le début. Ben, le créateur du jeu, oui, mais pas le programmeur. Mais pas le programmeur. Bon, d'accord. Ben, mais merci beaucoup, M. Castegan. Ça m'a fait plaisir. Bon, on se couchera encore une fois moins niaiseux ce soir. Et sinon, nouvelle ludique. Non, excuse-moi, c'est à cause... En même temps, tu disais ça, c'est à cause... Non, c'est à cause... J'ai vu un autre fact que j'ai trouvé, ma foi, très drôle. Là, on a entendu un petit... Moi, c'est pas une nouvelle ludique, là, mais je viens de voir ça, puis ça me rend un petit peu triste. Vas-y donc. C'est l'auteur Bob Hoskins. Ben oui. Qui jouait le... Mario? Dans le très mauvais film. OK. Moi, je me rappelais pas vraiment de lui pour ça. C'était plus dans son rôle dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et voilà. Et décédé aussi, à l'âge de 71 ans. Ben oui, l'inspecteur du film Roger Rabbit, qui a joué aussi dans l'ennemi aux portes. Un excellent film de guerre, d'ailleurs. Pour les, justement, on parle de Russie dans ce temps-ci. Là. Vous pourriez vous lancer dans ce petit film-là qui est très bon. Un acteur qui a quand même eu d'excellents rôles. Oh oui, là, c'est un bon, vraiment. Sauf Super Mario. Ouais, ça, je pense qu'il devait être dans un bout, il avait besoin de manger. Voilà. Parce que le film de Super Mario, c'est pas terrible. Donc, voilà, malheureusement, c'est Bob Hoskins, c'est ça. J'ai toujours de la misère à prononcer son... Sinon, Bob, ça va bien, là. C'est le nom de famille, j'ai toujours de la misère. Sinon, veux-tu un autre fait que je trouve ma foi très excellent? Ben, vas-y donc. On va faire un 2-1. Ah, oui donc. Est-ce que tu veux savoir la raison pourquoi Nintendo a mis un bouton Eject sur le Famicom, qui est la NES, le Nintendo ordinaire du Japon, et le Super Famicom et Super Nintendo? Vas-y donc. C'est pas parce que c'était mauvais de tirer la cassette, c'était juste parce qu'ils disaient qu'il fallait que les enfants aient autant de plaisir à enlever le jeu que d'y jouer. Ah, c'est bon! Écoute, le pire, c'est que c'est ça. Le pire, c'est nous autres, quand on était jeunes, en tout cas, je suis pas toi, Eric, là. Super Nintendo, c'était... Non, là, tu pèses le Eject, là, il y a un bouton pour ça. Ben oui. Ça sert à de quoi, là? Sinon, ça brise. Puis là, tu fais... Ouais, mais les cassettes dans la NES, tu tirais dessus, puis c'était pas un problème, là. Ben, finalement, c'était juste pour votre divertissement, mesdames et messieurs. Nintendo s'est dit que... Les enfants, c'est pas dur à divertir. On met un bouton Eject et le fun est pris dans la place. C'est clair que ça, ils ont quand même licencié le jeu Cool Spot, là, on se rappellera. Tu sais, le jeu avec la mascotte de 7-Up, là. Ben, attention. Je l'ai eu. Puis Fido Dido aussi. J'ai eu Cool Spot sur le NES. Sur le SNES. Ouais. Puis il était bon, ce jeu-là. C'était un bon platformer. Ouais. Ouais. C'était un bon placement de produit aussi. Ouais, mais à l'époque, c'était pas régi par les lois, ça, à l'époque. C'est ça, on s'en sort. Ben non, mais ils ont dû être payés quand même très, très bien, Nintendo, pour pouvoir... Sinon, tu vas être content, j'ai une nouvelle. Ben, vas-y donc. Goat Simulator. Tabarnak. Ah, il revient pas avec ça. Ah non, c'est le Bear Simulator. Ben, c'est pas mieux, là. Non, mais c'est sûr. Goat Simulator. La première ligne du titre de l'article, c'est « À quel moment une blague va-t-elle aller trop loin? » Imaginez-vous que Goat Simulator va avoir un box release en magasin. Donc, oui, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir vous rendre dans un futur shop. Moi, je quitte. Je m'en vais. Je quitte aussi. Attends, moi et Mike, on part ensemble. Fait que vous allez pouvoir vous rendre dans votre magasin de jeux informatiques favoris. Non. Et acheter votre copie de Goat Simulator. Sacrement. Pour le prix de 10$. Voilà. Je suis sans mots. Toi, viens-t'en, Steve. Veux-tu le mot de la fin, c'est la nouvelle? Sacrement. Ah, t'as pas fini? Ben, je viens de finir, mais t'es au cas où t'avais quelque chose à rajouter. Non, c'est beau, moi. J'étais sorti du studio, c'est pas pour rien, là. Je voulais avoir la paix, là. Y a-tu quelqu'un qui a développé un mode de fermier cochon pour... ou un mode de... Mais non, mais... Tirer la Christie de chèvre. Non, hein? Mais tu peux être une autruche aussi, puis une girafe dans ce jeu-là. T'es la chèvre, fait que tu peux pas te tirer une chèvre, mais tu peux te trouver un fermier, je sais pas, tu sais. Assez pénible, là, Seigneur, tu vois. Quelle idée, là. Ben, il pogne. Oui. Ah, c'est juste prouver que le monde est crétin, hein? Non, c'est juste les hipsters qui doivent jouer à ça, là. Bah. C'est avec le petit beanie collé sur la tête. C'est tellement tendance. C'est tellement non-conformiste. C'est tellement tendance à être une... Avec les culottes rouges, là. Ah, c'est des jeans, tu sais, des jeans serrés. Ah, j'ai déjà eu ça, des culottes rouges, mais moi, c'était au cégep, puis c'était des culottes style armée, mais rouge pétant. Je l'éveillais avec ça, puis mon gilet système en fade down phosphorescent. D'accord. Ça fait fureur à la fourmi. À la fourmi? Je connais pas ça. C'est quoi? C'est un bar... Oui, la fourmi atomique. Ah ouais? Je connais même moi et je rappelle aux gens que je suis pas de la région de... Ouais, excuse, là, on parle de bar. Mais je suis pas de la région de Québec, moi. J'avoue. Ça fait 10 ans que je suis ici. Je sais même pas si la fourmi existe encore en plus. T'as rien aimé ça. Je connais pas mal de bars à Québec, puis j'ai fait le tour de pas mal de bars, puis ça me dit rien. T'as-tu connu l'Arlequin avec sa ferme? Je suis jamais allé. Okay. Mais je sais que ça a déjà existé, mais j'y suis jamais allé. Ça, c'était le fun. C'était le fun. Qu'est-ce qui se passait à l'Arlequin, Eric? Il n'y avait pas de dance, puis il n'y avait pas de techno. Ah, OK. Ben, en fait, c'était un bon métal. Ah, il manque ça. Éveillé punk, puis... Il manque ça à Québec. Ben, il y a l'agité qui... Bon, qui torchait, tu sais. L'agité qui est quand même intéressant, là, qui passe des bons shows, puis tout, là, mais quand même. Bon métal, là, c'est plus rare un petit peu maintenant. Mais bon. Revenons à nos moutons. À nos chèvres. Ah. Je l'ai pas dit, parce que je me suis dit, je reviendrai pas là-dessus, je vais avoir la paix. Quelle erreur de ma part. Andrew, là, trouve une autre nouvelle. Ben, tu te rappelles, on avait fait un top 8 ou 9 des jeux ayant coûté très cher. Top 8. Étant très, oui, top 8 des jeux très décevants. Et on va se rappeler du très génialissime Disney Infinity qui avait coûté pas loin de 500 millions à développer. Ben, imaginez-vous donc que Disney ont fait, bon, ben, on s'est mis en marde avec Disney Infinity. Ben, on va en sortir un deuxième, puis on va intégrer les héros de Marvel. T'sais, c'est sûr que ça va bien passer, puis que parce qu'il y a des héros de Marvel, ça va plus se vendre. C'est ben connu. Oui, c'est connu. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à cette nouvelle-là. Ben, ils ont quand même quasiment pas tort. Là. Non, mais c'est un guess à prendre. Je veux dire, la base du jeu est là. Ils ont juste besoin de rajouter des sprites différents. Pis... Exact. Parce que c'est juste ça qu'ils font, là. Ils font juste rajouter des personnages. Mm-hmm. Ben, avec quelques nouvelles affaires aussi, bien, mais... là. C'est rien de... Bref, rock, là, une nouvelle... Mais t'es juste pour vous donner une idée, ça a de l'air, je le sais pas parce que j'ai pas joué au jeu, parce que je me tiens loin de ce genre de jeu-là, comme Skylanders, mais ça a de l'air qu'il y a des niveaux, puis dans le fond, le niveau maximum, c'était le niveau 15, fait que là, on va pas monter au niveau 20. Et il va voir l'équipe Avenger, là, donc il va voir Captain America, Iron Man, Hulk... Black Widow, Thor, puis Hawkeye. Ouais, c'est ça. J'allais dire Green Arrow, mais c'est pas le même. Donc Hawkeye. Puis ça va rajouter la tour des Avengers, puis un centre-ville dans le jeu, parce que là c'était une genre de chose fiction où il y avait tous les mondes de Disney qui fusionnaient. Puis ça a de l'air qu'une version Star Wars qui s'en vient. C'est que nos nombreux auditeurs qui trippent sur. Sur Disney Infinity? Ouais. Bon, ben voilà. Ou Skylander, là. Lâchez-vous, là. Vous voyez l'enthousiasme dans ma voix, là. Go, go, go, go. Non, mais on est rendu à une époque où il y a bien des produits. Tu sais, tu vas prendre de la marde, tu vas la donner la forme de. Tu vas l'envelopper dans du papier marqué Marvel. Ou, ah non, c'est ça. Puis ça va se vendre. Tout à fait. Puis, c'est tout. Autant au niveau télévisuel que vidéoludique ou cinématographique. Toi, ça fait déjà. 15 ans que Sony fait ça, ils prennent une boîte, ils marquent PlayStation, puis ça se Non, oui, hein, Eric, hein, c'est pas de mauvaise foi. Tu sais que je suis tout en. Je suis plein de subtilité. Ouais, un gars nuancé. Ah, hey, Eric, on a une question d'une auditrice. De qu'est-ce? Combien d'onces peut contenir ton flasque cartouche? Ben, à vue de nez comme ça, je dirais que c'est pas loin d'un flasque ordinaire. Là, c'est un 6 ou 8, là. Bon, ben, je vais pas lui répondre. J'ai pas vraiment mesuré à matin. Je peux te dire, j'ai fini la bouteille de Jack, par exemple, que j'avais à la maison pour. Puis, mais je suis embêté, là. Ben, en tout cas. Donc, c'est assez pour rendre pompette avant de starter sur autre chose, là. Voilà, c'est répondu à l'auditrice en question. Donc, 6 ou 8 onces, faites le test à la maison, commandez-vous là, quelle est là. Puis, non, c'est pas vrai, il faut toujours boire de façon responsable. Oui, du calcul le dit. On ne boit pas tous les jours. Mais on peut prendre un petit verre tous les jours. Un petit. Ah, du calcul dit 15 consommations par semaine pour les hommes, mais on ne boit pas tous les jours. 15 consommations, OK. C'est qu'on peut en prendre 15 en 6, puis une journée off. C'est ça. C'est bon. Ça, c'est correct. C'est pas tous les jours. Non. Ou boire aux deux jours. J'aimerais bien lire l'étude qui conclut ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah, mais ça, les études, hein? Il y en a une pour contredire l'autre. Ouais. On va boire comme on... Regarde, on va boire de façon responsable. C'est ça qui compte. Voilà. Une caisse de 12, puis on prend notre chance. C'est ça. Comme à l'époque. La 12 entre les jeunes. C'est ça. Monsieur Castegan, peut-être une dernière nouvelle avant de partir en pause musicale. Ben, Minecraft. Minecraft? On rajoutait des chiffres dans ce... Minecraft a franchi le 15 millions. D'unité vendue sur PC. Good. Donc, ça fait quand même... Ouais, beaucoup de bidou. Donc, juste pour vous donner une idée, si on additionne les diverses plateformes, genre Xbox, PS3 et compagnie... Les versions mobiles. On parle de 33 millions de copies de jeux qui auraient été vendues. Quand même, hein? Donc, 15 Surtout millions pour la version PC. Un produit indépendant comme ça qui s'est développé tout au long... tout au long de ces années-là, ça fait quand même une couple d'années là, que c'est en développement. Donc, félicitations à Mojang et à Notch. Qui doivent être dans leur bureau en avant. Pendant que leur imprimante imprime de l'argent. C'est ça, puis il y a un éclair. Voilà, un rire diabolique de... Parce qu'ils ont annoncé plein d'affaires, un genre de jeu de sci-fi, un jeu qui s'appelle Scrolls, puis adapte. Il n'y a rien d'autre qui sort. On verra bien. Ben, j'ai vu passer une nouvelle, on fera une petite recherche, je vais peut-être essayer de trouver ça, là. Encore une autre nouvelle sur Minecraft, mais on va en parler après cette chanson. Mais là, tantôt, justement, je parlais de mes sorties endiablées au cégep avec mon gilet System of a Down, mais c'est ce qu'on va aller écouter, mesdames et messieurs, System of a Down, avec un classique des classiques, selon moi, la chanson Chop Suey. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sous les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Rolling Suicide. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après System of a Down et Chop Suey. Et on est de retour avec des nouvelles ludiques. Une nouvelle, écoutez, un peu triste, ma foi, mesdames et messieurs. Une nouvelle qui s'intitule ainsi World of Darkness, fuite d'images et du manuel. En fait, World of Darkness, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde de... un monde de RPG sur table qui avait été créé par le studio White Wolf il y a de cela bien longtemps, avec des jeux comme Vampire the Masquerade, Werewolf the Forsaken, Werewolf the Apocalypse, et j'en passe, basé dans notre monde pour la plupart des jeux, dans notre ère moderne, avec finalement des créatures bien connues de l'horreur, donc des vampires, des loups-garous, des fées, des momies, des humains avec certains pouvoirs magiques qu'on pouvait jouer justement, et c'était pas vraiment un jeu de rôle axé sur l'action, mais beaucoup sur l'ambiance et l'horreur. Mais là, ils ont sorti deux jeux à l'époque, White Wolf et leur World of Darkness. C'était deux jeux sous la franchise Vampire, dont l'excellent Vampire the Masquerade Bloodlines, qui était encore aujourd'hui un des excellents jeux de rôle que vous pouvez vous trouver sur Internet. Un jeu avec beaucoup de problèmes techniques, mais qui vaut quand même la peine d'être joué. Ben, en fait, il y avait eu un projet. On nous dit, là, on vous rappelle que la plupart des nouvelles qu'on tient à puissance maximale, on les tire du site jeuxvideo.com. Donc ici, dans la nouvelle, dont on nous parle d'un développement fleuve et chaotique, il y avait un MMO qui était inspiré justement du World of Darkness, qui a finalement connu une fin funeste, là, une fin là, de ce développement-là il y a deux semaines. Tout a été annulé, c'est finalement seulement maintenant que des images se mettent à fuir. Donc on parle d'histoire d'un peu... ça donne un peu mal au cœur, évidemment, aux gens là qui attendaient ce jeu avec impatience. Donc, on découvre notamment le système de mort permanente influencé par le degré d'humanité des joueurs. Donc, évidemment, c'est un système qu'il y avait à l'époque sur table. Donc, moins notre personnage avait d'humanité. Donc, plus il était proche de ce qu'on appelait là, la bête, plus c'était difficile après ça de revenir à la vie ou de se guérir. C'était quand même assez difficile. Mais là, ce principe-là avait été transposé. Et là, ça, c'est... Justement, c'était une innovation. Je pense qu'on en avait déjà parlé à l'émission. Il y a quand même un bon petit bout de ça. Je dirais même 1 à 2 ans. Et il y avait ce principe-là dans un MMO de mort permanente. Oh. Ça... Je veux dire, tu fais attention à pas faire de conneries. Ça change la dynamique en esti, ça, là. Ah oui, là, il y a les trolls là, qui vont bâcher sur des level 1 quand ils sont level 100, puis des affaires de même. Là, tu vois pas de ça. Tu vas pas passer ça comme nous autres dans Grand Theft Auto. Tu sais, il n'y a pas d'abus. En tout cas, selon moi, ça aurait fait le tri à ce niveau-là. Donc, on parlait justement là, de l'humanité qui était notée de 0 à 10 et qui s'allégrait si le joueur bafoue trop fréquemment les règles du comportement de la société parce que, là, évidemment, les vampires sont gérés dans une société bien à eux, avec des règles à respecter. Et évidemment, plus on est proche de notre instinct de vampire, bien, plus on baisse d'humanité. Et là, s'en vient la mort permanente. On disait si un joueur relativement bien noté pouvait donc respawner normalement, un autre plus mal noté perdait une partie de ses possessions. Et enfin, un joueur ayant choisi d'agir en vampire sanguinaire et rebelle risquait carrément une mort permanente et l'obligation de monter un nouveau personnage. Donc, c'est la fin malheureusement de ce projet de MMO. J'aurais trouvé ça quand même intéressant de voir, même si je suis pas un gros fan de MMO, de voir qu'est-ce qu'ils auraient fait. Parce que là, je vois ça a des allures là, de... parce que c'est vraiment le World of Darkness, là, ça se passe dans notre monde d'aujourd'hui, mais vraiment avec un climat. Ça fait penser un peu à du ambiance dans les romans style victorien, là, steampunk, vraiment dark. Tu te demandes comment le monde normal fait pour vivre là-dedans, finalement. Donc ça fait beaucoup penser au jeu Bloodlines. Ça va l'air vraiment intéressant. Et de voir un jeu dans ce genre-là. Dans l'univers MMO, au lieu d'être dans le médiéval fantastique et tout, là, j'aurais vraiment beaucoup aimé ça, voir ce qui se serait passé avec ça, mais malheureusement, c'est terminé. Donc, les gens qui attendaient le projet de World of Darkness en version MMO, malheureusement, c'est terminé. Monsieur Castegan, une autre nouvelle? Ben, deux rapides. Premièrement, Eric en a parlé, fait que je faut que je le note. Inquiète-toi pas, je passerai pas une demi-heure. Bear Simulator a été backé par 3871 personnes. Ça y est, il est reparti! Ben, il a été backé par 3871 personnes, récolté une somme de 100 571 $. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Qu'est-ce qui fait que le jeu va être envahi par des poulets diaboliques et ça va être à vous, en tant que course, de vaincre ce fléau qui terrorise la Terre. Donc, vous allez être un ours qui va se battre contre des poulets. diabolique. Donc voilà, ça c'était... Après ça, on me demande pourquoi je suis découragé des geeks. Ben à cause de ça, les 3000 quelques personnes qui viennent des... Non, aucun bon sens. Je suis outré, mesdames et messieurs. Oh non, On aurait pu réparer les routes avec cet argent-là. C'est ça. Monsieur la jeunesse, vous aviez l'air d'avoir quelque chose entre les mains. Ben, moi, je trouve une nouvelle, puis en fait, une super belle initiative. Bon. Quelqu'un qui a parti à Kickstarter pour réparer les routes de Québec? Non, c'est que à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre qui s'est tenue le 25 avril aux États-Unis. Ouais, j'ai vu passer ça, cette nouvelle-là. Le site Pornhub va planter un arbre pour chaque 100 vidéos de cul visionnées. Ça a pas... Tu sais... Et au moment où on se parle... ouais. Au moment... J'ai juste passé ça hier, je capotais. C'est pas compensé pour les mouchoirs utilisés sur leur site? À la minute, à l'instant où on se parle... Ah, il était à compteur dans l'entour? Oui, ils sont rendus à 13 814 arbres à planter. Alors, ça y est, pour... ça il va fermer. Quand, ça? Il va fermer, ils n'auront pas l'argent. Ça a commencé le 25 avril, puis ils se donnent jusqu'au 2 mai. 13 000 combien? 13 814. Pour 100 vidéos. Ça fait pas mal. 138 000 vidéos. 1 381 400. Ouais, c'est ça. Vidéos visionnées. On dit pas par combien de personnes, mais quand même. La morale, c'est que là, on encourage tous nos auditeurs majeurs d'aller sur Pornhub. Non, c'est ça, pour pouvoir planter des arbres. Couper le son. Ben, c'est ça. Écoutez de la encore porno. Plus rapide, mesdames et messieurs, parce que ça coûte pas si cher un arbre. Là. Allez en acheter un puis aller en planter. Sauvez la terre, masturbez-vous. Non, voilà. Pour ainsi qu'il y ait plus d'arbres, pour faire plus de mouchoirs. Tu sais, quand on dit là, n'importe quoi pour faire de la pub, là. Prends un arbre, après ça, on va l'arroser. Non, vois. Voilà. Non, voilà quoi. Merci, Eric, pour cette note des plus absurdes. Tout le plaisir est pour moi. Je le sais bien. Ça prenait bien, Eric, pour sortir ça. Vois-tu, je suis demain au-dessus de la table. Non, c'est ça. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, non, cette fois-ci. J'allais donner ma d'autres nouvelles. C'est correct. Trop tard, j'en ai une, Andrew, t'es pas assez rapide. Mais non, donc, mais je l'avais déjà, c'est Eric qui m'a dépassé. On parle de Rockstar, mesdames et messieurs, qui fait un point sur son multi et la fermeture de GameSpy. Pour ceux qui savent de quoi je parle, en fait, qui savent pas de quoi je parle, GameSpy, c'était un site où, avec certains gens, on devait s'inscrire pour pouvoir jouer en ligne, qui s'occupait de s'assurer que les joueurs ne trichaient pas pendant qu'ils jouaient à certains jeux. Mais là, GameSpy fermera ses portes le 31 mai prochain. Donc, l'arrêt de ses services en ligne touche évidemment de nombreux titres qui faisaient appel à eux, dont l'ensemble des jeux Wii et DS, par exemple. Ça, faut le savoir. Et aux éditeurs, c'est aux éditeurs de décider s'ils proposent une solution de remplacement ou s'ils mettent simplement à mort le support multijoueur des subs. Parce que c'est des supports... C'était pas juste une question de... Voyons, de... contrôle des hackers, mais c'était quand même un support au niveau du multi. Dans la longue liste des clients de GameSpy, on trouve également Rockstar qui fait à présent le point sur le devenir de son catalogue. Bien évidemment, la Grand Theft Auto 5 n'est pas concernée, parce que là, ça irait pas bien. Ça irait pas bien en maudit. Oh, finalement, Grand Theft Auto 5, oubliez ça, là, online. On supporte plus ça. Non, ça serait pas une bonne idée, donc évidemment, ce n'est pas touché. Ce qui en est pour les titres de Rockstar, on parle de Max Payne 3, on nous dit que le multijoueur va être supprimé sur Mac uniquement. Les stats et classements sur le Social Club, il n'y aura pas de changement. Classement multijoueur in-game, pas de changement. Red Dead Redemption, multijoueur, pas de changement. Social Club et stats et classements, ça va être supprimé. Donc, si vous étiez un gros fan de vos stats, vous regardez ça sur Red Dead, oubliez ça. Le in-game Social Club, supprimé également. Et le classement multijoueur in-game, supprimé sur PS3. Grand Theft Auto 4... Et Grand Theft Auto épisode From Liberty City. Pas de changement au niveau du multiplayer. On va supprimer le site Social Club pour les stats et classements. Et pas de classement multijoueur in-game pour le PS3. Midnight Club Los Angeles. Multijoueur supprimé sur PS3, carrément, pour ce jeu-là. L'ensemble des services du site Social Club supprimé. Donc, évidemment, plus de multijoueur, plus non plus de classement in-game. Supprimé également pour le endgame Rate My Ride et les Driving Tests. Grand Theft Auto Chinatown Wars sur Nintendo DS et sur PSP. Tout est supprimé. Les mini-jeux fonctionnalités du site Social Club supprimé. Contenu débloqué par le Social Club supprimé également. Et le site pour les stats et classements supprimé. Beaterator aussi pour leur jeu. Tout est supprimé au niveau des fonctions du site Social Club et pour les uploads de pistes in-game. Et finalement, pour le dernier jeu, Midnight Club 3, Dub Edition, le multijoueur est supprimé ainsi que le classement multijoueur in-game. Donc voilà, mesdames et messieurs, une petite update au niveau des jeux Rockstar qui sont touchés par la fermeture du site GameSpy. Monsieur Castegan, c'est à vous. Ben, Nintendo ont fait un Nintendo Direct dernièrement, plus exactement hier. Et à propos de la sortie prochaine de Mario Kart 8, qui sort d'ailleurs ce mois-ci, et imaginez-vous que Nintendo a annoncé le programme Free Wii U Games Offer. Donc, imaginez-vous donc que si vous achetez Mario Kart 8... Vu que c'est le seul jeu qui sort depuis... Un an et demi? Un an et demi, on va vous donner des jeux gratis. Maintenant, en fond, si vous achetez le jeu, il y a un code qui va dans votre pochette. Si vous allez l'enregistrer au Nintendo Club, Nintendo va vous donner un code de la valeur d'un jeu, dans le fond. Et les jeux qui vont être éligibles à l'offre, c'est Nintendo Land, New Super Mario Bros. U, Game & Wario, Pikmin 3, Legend of Zelda Wind Waker, Sonic Lost World, Mario et Sonic au jeu de Sochi, Wii Party U, Wonderful 101, puis Monster Hunter 3 Ultimate. Quand même, il y a quelques titres intéressants à travers ça. Oui, oh, quelques-uns. Mais puis en plus, Mario Kart, c'est toujours bon d'en avoir un à la maison. C'est toujours le fun, ces jeux-là. Donc, si vous êtes tenté par Mario Kart, sachez qu'il y a ça qui vous attend. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, M. Castegan. Et là, M. Castegan, il est quelle heure? Il est 19h57. Ça veut dire que c'est la fin de la première heure de puissance maximale. On ne vous l'a pas dit, mais on en retombe au format une heure. Donc, c'est la fin. Et c'est la fin. Au revoir. Et non, mesdames et messieurs, on vous envoie une autre belle chanson dans vos oreilles pour la pause d'entre les deux heures. Et on vous revient au tournant de cette pause avec d'autres nouvelles ludiques. Après ça, on va pouvoir goûter au deuxième produit que M. Lajeunesse nous a apporté. Et finalement, on va avoir Louis-Étienne en fin d'émission pour venir nous parler d'un jeu de plateau. Et donc, pour cette chanson qu'on vous envoie dans vos oreilles pour la pause, ça s'appelle Les fantômes de l'écouteille du groupe Bodakdan. Direct dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. Cherchent à manger et boire, assoiffés d'histoires à ramener au pays. Leur choix s'arrête sur un sombre taudis, une vieille taverne emplie d'âmes égarées, où un vieux loup de mer se met à radoter. Regardez-vous les pieds, ne levez pas les yeux vers le bas où sont accroulés ces pauvres malheureux. Disciples de matelots, fantômes de capitaines, bouteilles de rhum en main sortie d'une époque lointaine. Iséo, Iséo, ouais. Iséo, Isé la grande voile. Et sortez les canons. Entrez à l'écoutille où nous sommes en famille. Nous virons la boisson et ferons verser les jolies filles. Alerte les tenanciers qui préparent ces bouteilles. Nos gorges desséchées se feront rincer jusqu'au lever du soleil. Viens manger ce matelot, aussi à l'aile de chacal, qui danse le tango avec sa bouteille de mescal. Et le malouin Yvan qui a été pris par un typhon. Ni plus tard la tempête l'a ramené au bar. Il est plutôt morbide, mais il peut boire sans fond. Il a perdu son bilan, se rend salve de canon. Y'a deux lions lipides debout sur le comptoir, qui sous la journée envie se foutent en pas mal des pissoirs. Iséo, Iséo, ouais. Iséo, Isé la grande voile. Et sortez les canons. Entrez à l'écoutille où nous sommes en famille. La boisson est franvassée, les jolies filles. Alerte de Nancy qui prépare ses bouteilles. Nos gorges desséchées se feront rincer jusqu'au lever du soleil. Mmh. et sécher se fera raiser jusqu'au lever du soleil. Entrez à l'écoutille où nous sommes en famille. Nous virons la boisson et renverser les jolies filles. Alerte aux tenanciers qui préparent ses bouteilles. Nos gorges desséchées se feront raiser jusqu'au lever du soleil. I am creator of Tetris and you are listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez eu la chance d'entendre la gang de Bodakdan et les fantômes de l'Écoutille. Et nous sommes de retour pour vous parler nouvelles ludiques. Là, en plus, vous avez manqué ça, là, pendant la tournée, on se montrait nos tatous. Mon absence totale de tatous. Bof, tu sais, le mien... Non, mais toi, il est unique. C'est une pièce de, collection. Je t'avais de la ramper puis de la vendre. Là. Mais bon. Je vais l'enlever. Bon, qui c'est qui veut ça, là? Cette histoire-là. 2 millions! 2 millions, voilà. Donc, revenons à nos moutons et non à nos, à nos chèvres. Et M. Castegan, il est temps de parler de nouvelles ludiques. Encore une fois. Oui! C'est à cause que j'ai partagé une photo parce que Kotabugiya, la compagnie de figurines japonaise, oui, a fait une association avec, les ben c'est plus les studios Lucas, là, mais bref, les gens qui s'occupent de Star Wars chez Disney. Voilà. Et parce que faut savoir que c'est bientôt la journée Star Wars qui est le 4 mai. Oui, May the 4th be with you, mesdames. Exactement. Dimanche, en fait. Et il va avoir un Artifix qui est comme une figurine ultra détaillée. Ben, peux-tu nous envoyer le lien sur Puissance Maximale, Andrew? Eric, là, il va pouvoir te le faire suivre. Ah, excellent. Puis dans le fond, c'est comme des figurines ultra détaillées d'un Surgeon Stormtrooper. Puis ils font un giveaway pour le 4 mai. Il y a un genre de petit concours sur leur page Facebook. Puis sérieusement, le détail était écœurant, sa figurine, là, c'est fou. Donc, c'était surveillé, là. On va me faire suivre ça, cette adresse-là. Je vais vous mettre ça sur Puissance Maximale dans les prochaines secondes. Sinon, autre nouvelle, M. Castig? Une suite à Injustice. Ah ouais? Ouais. On rappelle, pour les gens qui ne se rappellent pas, Injustice, jeu de combat. C'est par les studios qui avaient fait le dernier Mortal Kombat, donc dans l'univers. Je cherche justement NetherRealm. NetherRealm Studios. NetherRealm. Realm. Non, Real. Non. NetherRealm. Donc, Injustice Gods Among Us, qui est un jeu de combat dans l'univers de DC Comics. D'ailleurs, je voulais justement, je fais ça en ondes, mesdames et messieurs. Faut que je te l'emprunte, Andrew. J'ai vraiment envie de rejouer à ça. Donc, voilà, c'est fait. Excellent jeu, j'avais beaucoup aimé. Il travaille sur PS4. Ouais? Écoute, au pire, on jasera pour ta version PS3. Ouais, puisqu'elle n'est pas éligible au système passeport parce que les producteurs de jeux ont découvert la pause drette. Non, c'est ça. Oh, et je sais pas, Injustice, Gods Among Us, celui-là, c'est la Complete Edition. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Voilà. Et voilà. Donc, tu es en train de nous dire, avant que je te demande ton jeu, qu'il y a une suite qui s'en viendrait. Oui, mais en fait, ça serait lors d'une conférence tenue par DC Comics qui aurait annoncé, en fait. Ben, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu le jeu. Et DC Comics a sorti quand même une BD avec ça. Et le jeu a eu quand même un bon succès. Et la BD aussi. Fait que DC Comics ont annoncé qu'il allait avoir un retour de la BD en 2014. Donc, dans le fond, qu'elle allait continuer. Et en même temps, par la bande, il y aurait eu un contrat qui aurait été signé avec NetherRealm Studios. Et on parlerait peut-être d'un jeu, d'une suite à Injustice, mais pas pour 2014, mais vraiment une suite pour 2015 à peu près, pour vraiment les consoles next-gen. Donc, on parlerait PS4 et Xbox One. Excellent. Donc, une bonne nouvelle pour les amateurs de ce jeu-là, en espérant qu'évidemment, ça va être que ça va être à la hauteur. Autre nouvelle, M. Castegan? Oui, l'assistant de George R.R. Martin, dans le fond, qui est George, qui est l'auteur de la série de romans Game of Thrones, ben son assistant va être consultant pour le studio Telltale, qui travaille présentement sur un jeu d'aventure point and click pour la franchise du même nom. Donc, quand même... une bonne nouvelle, parce qu'il y avait du monde... Parce que Telltale font des excellents jeux d'aventure point and click, puis il y avait du monde, des fois, qui se disait « Game of Thrones, ça va-tu bien? Ça va-tu bien, là, dans le fond, là, fitter dans ce genre de jeu-là? » Ben, le consultant de l'auteur va être là. Fait que... pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout à fait. Sur Game of Thrones, tellement de bonnes franchises. On peut bien se lancer puis faire des petits tests comme ça. Mais c'est sûr que... on en veut un bon jeu quand même, là, pas obligé de faire n'importe quoi non plus. Ben, ils font un excellent jeu d'aventure de Walking Dead. Ouais, on en a parlé quelques fois à l'émission d'ailleurs. Sinon, autre nouvelle, mesdames et messieurs, j'ai ça sous la main. Pour le E3 2014, Nintendo opte pour des présentations digitales. Donc, à l'article, on nous dit qu'à l'image de sa conférence de 2013, Nintendo se contentera cette année encore d'une présentation digitale pour sa conférence E3 et ne viendra donc pas présenter ses jeux sur scène comme le font ses concurrents principaux, Sony et Microsoft. De toute façon, quel jeu irait présenté? Cette conférence se tiendra... Ah, que t'es une mauvaise foi! Ah, non, mais là, avec Nintendo... là. T'as pas écouté Game Theorist, là? C'est Nintendo, c'est à cause qu'ils prennent un risque, ils veulent faire un tournant dans l'industrie du jeu vidéo avec l'espèce de iPad là, qui sort de manette. Là, ah, c'est ça. Non, je l'ai toujours dit, moi. J'ai toujours dit que j'aimais la machine. J'aime bien la Wii U. Les possibilités que ça aurait pu amener. C'est juste que... il n'y en a pas de possibilités offertes. Exact. On attend les jeux encore. Il y avait des belles possibilités au départ, puis finalement, non. Donc, on nous dit que cette conférence va avoir lieu le 10 juin à 9h du matin. Voilà. Mais c'était pas tout, puisqu'au travers de la vidéo complètement loufoque réalisée par Nintendo et l'équipe de Mega 64, le constructeur japonais annonce également qu'un tournoi sur le nouveau, ce qu'on a dit tantôt, là, le tournoi sur le nouveau Smash Bros, et qui va se dérouler sur place pendant le E3. Mais on rappelle que le E3, ben, c'est pas public. Mm-mm. C'est juste les gens de l'industrie puis les médias qui ont accès. C'est que je sais pas s'il y a des. Il va y avoir des qualifications avant. Et on n'a vraiment pas de détails. On dit que Nintendo Treehouse streamera également en direct de l'événement et enfin que d'autres tournois sur le nouvel opus de la série Super Smash Bros. Aura lieu à travers les États-Unis pendant toute la durée de cet événement. Un joli programme qui nous. Donc, on attend les détails finalement de cette histoire-là. Ils ont dit on va faire ça, mais on sait pas où, on sait pas quand, on sait pas à quelle heure, on sait pas comment. Voilà. Et la vidéo, d'ailleurs, d'annonce a été faite par Mega64, une gang de YouTubers qui font des jokes. Le premier coup, j'ai vu la vidéo, je fais « Ah, c'est une blague ». Mais après ça, quand j'étais allé sur la chaîne YouTube de Nintendo et que j'ai vu que c'était exactement la même vidéo, j'ai fait « Bon, bah ben, ». Je vous partage l'article de jeuxvideo.com où vous avez la vidéo que vous pourrez aller visionner un peu plus tard dans la soirée. Mais voilà, c'est ce qui est pour Nintendo cette année. Écoute, on pourra pas ça là, Andrew, mais on pourra revenir d'ici quelques semaines pour nos attentes pour le E3. Parce que ça s'en vient, là, au mois de juin, là, ça s'en vient quand même anyway, assez nos auditeurs là. Nous l'auraient rappelé, on fait à chaque année. Voilà. Puis de toute façon, là, il y a Eric là, qui est assis en face de moi. Là, qui suit aussi le E3. Qui sait peut-être un retour de Sega, non? Faut être un petit peu naïf pour croire à ça. Mais non, mais on a eu un hype l'année passée. Ben oui, à peine, hein? on l'avait-tu le bandage mou après? Ah, non. Puis là, c'est quoi finalement? Bah, rien. Rien. Exact. C'est vraie rumeur. Le pire, c'est qu'il est ressorti un poisson d'avril hein, autour de ça cette année encore. Ah oui, c'est puis nous. De la belle merde. Ben, c'est nous autres qui achètent ce poisson d'avril là, mon cher Eric. Je sais bien, mon homme, tu sais combien de monde ont mordu à l'hameçon? Combien de poissons ont mordu à l'hameçon? Si tu t'aurais été au 6300, pas au 6300, je veux dire au 6125 Wilfried Carrier, t'aurais beaucoup ri. Non, mais parce que je me suis beaucoup amusé à propager de façon vocale cette nouvelle. La bonne nouvelle. Et j'ai dit, hey, va sur mon site, tu vas voir, elle est là. Puis le monde, ils l'ont lu, ah, cool, c'est... Puis ça poignait, puis après ça, ben, je l'ai fait, ben, c'était le poisson d'avril que j'ai monté. En fait, ah! Oh! Faut être épais. Et voilà pour Nintendo. Sinon, autre nouvelle, cette fois-ci pour Watch Dogs. Watch Dogs qui va être offert à l'achat de certaines cartes Nvidia. Donc, si vous souhaitez investir dans un nouveau PC là, prochainement ou faire une update de votre, carte vidéo, ben afin surtout si c'est pour Watch Dogs, ben sachez que vous pouvez faire d'une pierre deux coups, puisque Nvidia offrira le blockbuster d'Ubisoft aux joueurs. On parle déjà de blockbuster, même s'il n'est pas sorti, mais bon, on s'en entend quand même un peu. Tu sais quand tu te la pètes un peu. Là. Non, c'est ça. Donc, aux joueurs qui achèteront certaines cartes graphiques de la marque. Donc, les cartes comprises dans l'offre, c'est la GeForce GTX Titan 780 Ti, 780, 770, 760, 690, 680, 670, 660 Ti ou 660. Donc, voilà, ça sort le 27 mai prochain. Une journée avant ma fête, mesdames et messieurs. Évidemment, si vous êtes de ce genre de personne qui aimait beaucoup votre animateur... de puissance maximale et que vous adorez sa voix, ma foi, des plus sensuelles, viriles. Et suave. Et suave. Vous pouvez toujours nous faire parvenir un don d'un jeu PC Watch Dogs à la station. Moi, j'ai la version PS4. Ah, moi, je veux l'avoir PC. Donc, voilà, ça va être disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et Wii U un peu plus tard. Mais si vous êtes évidemment... non, c'est ça. Eric n'y croit pas du tout. Mais évidemment, si vous voulez avoir un bon PC et là, justement, vous voulez changer de carte, ben regardez cette liste-là et si vous êtes éligible, je voudrais justement acheter cette carte-là, ben allez-y et vous aurez Watch Dogs offert avec ça, gracieusement par les gens d'Ubisoft et de Nvidia. Moi, je veux parler de quelque chose. Vas-y. Je suis sûr qu'Éric va parler dans ce sujet-là. Et toi aussi, Mike, il y a quelque chose en fin de semaine qui a été démystifié. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, on a même une parlé, légende urbaine ben oui, a été découverte. Ben c'est bien trop vrai. Là. Les cartouches D.E.T. ont été retrouvées, mesdames et messieurs. L'Atari 2600. Le fameux oui. mythe que Atari avait enterré un stock de cartouches dans le désert. Donc, c'est pas tout... C'est ça. Du Nevada, je sais pas trop où. Ouais, c'est exactement à cet endroit-là. Ça a été confirmé. Ils ont... En partie, ils ont pas tout retrouvé. Non, mais ils ont quand même creusé, puis ils ont trouvé des centaines de cartouches. Là. Ils ont trouvé des cassettes, ils ont trouvé des cartouches de ce fameux jeu, là, E.T., qualifié par certains, en fait, par la plupart des experts et historiens de jeux vidéo comme étant le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo. Et la raison aussi du crash du marché dans ce coin-là. Et effectivement, là. Diego nous en avait parlé justement pendant une de ses chroniques. Et oui, effectivement, Andrew, ils ont retrouvé ça. Et oui. Ils avaient un Atari 2600 fonctionnel sur site et ont pu starter le jeu. Oh yes! Fait que ça dort là depuis les années 80. Ouais. Et ça marche encore. Ça marche encore. Fait que le monde qui dit que les vieilles technologies, c'était pas construit pour durer. That's some sturdy shit. On va dire ça comme ça. Ça m'est venu comme ça. Donc, oui, ça a été retrouvé. Et je pense qu'il y avait même d'autres jeux qui étaient à travers ça. Il n'y avait pas juste des cartouches de E.T. Ben, ils ont trouvé des cassettes de Centipede aussi. Ouais, ça m'étonne pas non plus. Là. Mais, donc, voilà, c'est confirmé, mesdames et messieurs. On ne sait pas s'il y en a autant que ce que la légende dit. Breakout. Mais il y avait effectivement des cartouches de E.T. et d'autres jeux qui étaient enterrés. On sait pas, puis même les gens d'Atari maintenant, parce qu'Atari existe encore, là, développeur de jeux. Ça va pas très bien, mais c'est encore là. Les autres, la porte-parole a dit, bon, on n'était pas au courant du tout, ça a tellement changé de main, cette compagnie-là, que c'est normal cette info-là se perde, mais après il était pas... le crash des années 80, là, c'est terrible, ce qui est arrivé à Atari. Là. Non, c'est ça, mais voilà, c'est ce qui se passe, c'est qu'eux autres n'étaient pas au courant non plus de ce fait-là. Et maintenant, les gens ont pu confirmer. Il y avait quand même pas mal de monde qui attendait sur place. Il y avait même, de ce que j'avais pu voir, un genre de van avec une TV pluguée dedans, puis un Atari, puis les gens pouvaient jouer. Ouais. Mais quand ils ont fini par déterrer les trucs, il y avait déjà pas mal moins de monde. Là. Les gens n'étaient pas si craqués que ça, on dirait. Mais voilà, les gens ont pu enfin confirmer que ce mythe est réalité. E.T. avait bel et bien été enterré dans un désert. Il est temps, mesdames et messieurs, de passer à une autre pause musicale parce qu'on a M. Louis-Étienne qui est arrivé pendant qu'on vous parlait. Il va rentrer en studio tout de suite après. Et on s'envoie une chanson d'un gars qu'on aime beaucoup. On joue beaucoup de ses musiques à l'émission M. Brentalfloss. Et il est accompagné du groupe The Megas avec sa chanson Gotta Run et Be The One. Tiré, bien évidemment, du jeu Megaman. Je ne sais pas si c'est Megaman 2 ou 3, celui-là. 3, je crois. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. What if the music from the first and second levels of Wily's Castle in Mega Man 2 had lyrics? What if I sang them in part, but also singing the lyrics and performing the accompaniment was the Megas? What about that? Tell him, Josh. In the year 2000X, Dr. Light created a super robot named Mega Man. Mega Man defeated Dr. Wily once. Now, Dr. Wily has created 8 new robots of his own. Dr. Wily, I am Mega Man. Here's my mega plan. You die! Metal Man, Bubble Man, Air Man, Quick Man, Wood Man, Heat Man, Flash Man, Crash Man. Defeated. Yeah! I wanna be the one who fights for justice. I wanna be the one. I want to be the one who fights against you, Dr. Wily. Although I like your mustache, I've been built by Dr. Light, a robot built to fight for what's right against I am Mega Man, that's my mega plan. Fly, fly! I will save all of you. It's Mega Man Part 2. I'm dressed in blue. This is my song. And time is nigh. Wily's gonna die. That's you! Gotta run now. Gotta run now. So fast paced. Gotta run now. It's a rat race. Gonna get that balding ass face. Yeah, this game is grand. Yeah, it's Mega Man Part 2. Part 3 was good and 4 was pretty good. And 5 and 6 were okay. But 7 sucked big dinosaur balls. Pow-pow! I can't believe how much I fought. Me either, dude. I beat your 8 robots. It's time to stop, Dr. Wily. Son of a taint, he can't escape so slyly, but not this time. He thinks he's leaving, but he ain't. I wanna be the one who fights for justice. I wanna be the one. I want to be the one who fights against you, Dr. Wily. Although I like your mustache. Come on now, come on, come on now. Come on, come on now. Hey everybody, this is Brenel Floss, you're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo! Et oui, de retour à Puissance Maximale, on vient d'entendre Brenel Floss, on vient de le réentendre avec ce petit indicatif pour l'émission. Et là, il y a M. Louis-Étienne Desgagnés qui vient d'entrer en studio. Salut Louis-Étienne, ça va bien? Oui, salut, ça va. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Salut, salut. On t'accueille comme nouveau collaborateur régulier de l'émission Puissance Maximale. Et, ouais, ben on n'a pas une toune de célébration, un truc du genre. Là. En fait, j'ai ça. Ah, non, c'est pas célébration. C'est pas triste. Va fouiller dans le board de secteur 51. On va sûrement trouver de quoi. Mais Louis, pour revenir à la matière dont on veut parler, M. Louis-Étienne va venir nous parler. J'ai de quoi. Hourra! Voilà. Hourra. On fait la vague. On fait la vague. Et là, Louis-Étienne va venir à l'émission pour nous parler jeu de plateau, mais contrairement à Chantal qui nous parle des nouveautés, Louis-Étienne va venir nous parler des jeux, mais vraiment là d'un jeu ou un ou deux jeux. Là, pas mal at large, ouais. Selon ton humeur, at large, les bons jeux que tu as sous la main, que tu as testés, puis là, on en a un sous la main, justement. Mais là, avant, parce qu'on garde pour la fin, là, comme la cerise sur la Sunday. Mais moi, je la mange au début, moi, la cerise. Ouais, mais toi, on est-tu obligé de revenir sur le fait que t'es un épais, Andrew? Non, je suis roux. Ouais, effectivement, fais pas les affaires comme tout le monde. Mais là, avant toute chose, Louis-Étienne, t'as un verre devant toi, c'est pas pour rien. On va continuer avec la chronique bière slash cidre cette semaine. Parce que là, pour le deuxième produit qu'on va déguster aujourd'hui, on va parler d'un cidre. Là, j'ai la bouteille devant moi, je répète le nom, qui est quand même assez long, le Milton Star Houblon Happy Hop Cidre. Un 7% d'alcool dans une bouteille de 500 millilitres. Fait que c'est 7% de pur bonheur. Ouais, ben, ça sent le pur bonheur. J'ai pas goûté encore. Non, c'est ça, ça sent. Le verre est même pas à côté de moi exactement, puis je le sens. Ça a un nom couché dehors, mais je tiens à rappeler que ça vient des vergers de la colline. OK. C'est pas... Donc, on parle de cocktail au cidre mousseux. Exact. Voilà. On fait référence plus à un cidre qui est houblonné. Fait que un beau mix entre une bière et un cidre, là. Parce qu'on se rappelle que tu nous as parlé de cidre en revenant des fêtes, puis t'avais pas été... Pour te faire plaisir, évidemment. Ben moi, j'étais tout plein content, j'adore les cidres, mais toi, t'avais pas été très enthousiaste. Non, pas du tout. Tellement qu'il était mal à l'aise de retourner au dépanneur tout près. D'ailleurs, on vous rappelle encore une fois que cette chronique vous avez présentée par le dépanneur tout près, à Lévis, sur la rue Wolfe. Voilà, je l'ai répété, je l'ai redit. Et en haut, t'étais-tu gêné, pour vrai, d'y retourner après? Ben là, quasiment, tu sais, elle me propose des super beaux produits, tu sais, puis moi, je te les ai plantés à tour de bras parce que ouais, je mais... pas ça bon, tu sais. Mais... C'est moi, puis Andrew, on était là pour contrebalancer. Là. C'est ça, c'est quoi, tu comprends pas. Le principe, c'est que t'es, le monde t'écoute, t'apprécie pour ta personne, Eric. La personne que t'es. Je suis pas là pour bullshitter le monde non plus, là. T'sais, t'as pas de filtre. Ah ouais, les gens aiment cette personne. OK, je dis. C'est quasiment la limite. C'est quasiment la limite chiant. Ben non, Eric, tu sais bien que c'est des blagues. Moi, je t'apprécie, Eric. J'ai vraiment envie de crisser mon cœur. Non. Si on en reparle de Goat ou de Bear Simulator, c'est moi qui sac son cœur. Ben, juste avant, j'ai une nouvelle ici. Non. On parle de cidre. Là. Donc, moi, je vais me lancer, messieurs, à la dégustation. Là, santé. Ben, moi, honnêtement, c'est déjà fait. Là. Puis là, je suis vraiment, vraiment agréablement surpris. Hey, OK. Belle acidité. Ouais. Hey, OK, un peu. On va m'en rincer la bouche. J'avais encore le goût de l'autre dans la bouche. Mais non, on est loin de l'autre. Là. Ça, c'est, Ben moi, c'est ma première expérience, puis c'est très, très bon. Et bon, hein? Un petit arôme d'agrumes. En plus de... En tout cas, même la pomme, je l'ai difficulté à... J'ai vraiment de la misère à soir. La difficulté j'ai à la difficulté parler. À goûter la pomme dans ce cidre. Mais tu vois, moi, Robin. Comparé au produit qu'on a goûté l'autre fois, je goûte beaucoup la pomme. Ah ouais. Je la goûte beaucoup, mais en même temps, je goûte beaucoup les agrumes aussi. Oui. Ben, on pourrait peut-être lire la description, Eric, sur la bouteille. Attends un petit peu, pour que j'enlève mes lunettes. Alors, j'ai besoin de foyer maintenant. Ah! Je suis vieux. Étonnante fusion de houblon et de pommes fermentées en bouteille et à déguster sur lit. Pomelot et citron excite l'odorat, puis le comble avec des notes épicées de conifères en bouche, un bouquet d'agrumes, une pointe d'acidité. Et une belle rondeur en finale. Plaisir garanti. Ah, t'es quasiment aussi bon que moi. Hein? Ah, c'est l'enfer. Hein? oui, ben là, le pomelo, ça, on en a parlé hors d'onde. Je suis vraiment un grand amateur de pomelo. C'est vrai que c'est bon. Je vous raconterai pas ma vie, mais c'est vraiment le seul agrume que je peux manger. Puis, je le sens au bout. Goûte au bout. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ça vient d'entrer dans mes coups de cœur. Puis. Ah, mais c'est le fun, ça, un cidre qui est en train de tes coups de cœur. Ouais. Moi. Tu sais, mettons dans le spa. Je vais mettre un X dans mon calendrier. Dans le spa l'après-midi, là, ou. Oui. Des trucs comme ça, là, ça va être super bon, là. Là, sur l'étiquette, on nous parle d'avant-garde et d'innovation. C'est vraiment la première fois que je goûte un produit de ce genre-là. Faut faire attention, hein, c'est un 7% aussi. Oui, ça, c'est. Là, messieurs, goûtez-y encore une fois, là, puis dites-moi que vous goûtez le 7% d'alcool là-dedans. Ben, pas du tout. Pas du tout, hein? Pas du tout. Fait qu'il faut faire attention, là, c'est pas... t'en prends pas trois de même d'une heure et demie, là, parce que ça se peut que t'aies un petit peu de misère. Ben, ça, c'est le problème de tous les cidres, habituellement. Ouais. Ça se boit assez bien, puis après ça, on fait « Ah, c'est le même pourcentage qu'une bière! » Encore lui, c'est pire, là, c'est un 7%. Mais non! Agréablement surpris, première fois que je goûte un cidre houblonné, j'ai goûté à plein de cidres dans ma vie, là, mais ça, c'est une belle découverte. Puis tu vois, le producteur, là, le brasseur nous recommande de le prendre à 10 degrés, qui est tiède. Là. Ouais. Puis là, il est quand même plutôt froid. Là. Fait que ça serait même encore plus goûteux. Sûrement très, très, très étonnant de le prendre à 10 degrés. On va le laisser tranquilliser un peu. On pourra en parler un peu plus tard à ce moment-là. merci beaucoup, Eric, de m'avoir apporté ça. C'est vraiment une belle découverte. J'espère que je vais pouvoir aller m'en acheter tout plein pour cet été, parce qu'effectivement, froid comme ça, là, petite terrasse d'après-midi là, avec des grillades, là, ça se mange, ça se boit, ça se mange tout seul, là, ces petites choses-là. Et là, la question, encore une fois, messieurs. Ah, puis j'ai oublié tantôt pour la mise à prix, on n'a pas donné de note. On reviendra, tout de suite. Après, on donnera les deux en même temps. Donc, pour le cidre, c'est ça, le nom m'échappe tout le temps. On va l'appeler le En fait, le producteur l'appelle Happy Hop. Donc, le Happy Hop. Quel jeu on joue avec ça? Léger, petit produit. C'est clair que c'est léger. Je parlais de spa tantôt, d'après-midi, sur le balcon, en attendant un barbecue, quelque chose. Je sais pas. Moi, je jouerais, là. Tellement léger que je dirais peut-être une petite game de bataille l'après-midi, là. Petit jeu de cartes? Ouais, petit jeu de cartes, ben simple. Ou, tu sais, une petite game de remis. Une game de trou de cul. Ouais, oh, c'est hey, ça. Quelque chose de bien simple, là. Oui. Tu sais, tu te casses pas le basic, là. Pis, D'accord avec toi. Moi je jouerais à Zombie Dice. Oui. Ça se prendrait bien. Vraiment, je pensais de sortir des jeux, moi, jeux vidéo, attends un peu. C'est pas grave. Tantôt, j'ai parlé de King of Tokyo. Moi, c'est ça, on n'est pas obligé. Ah ouais, King of Tokyo. Ça jouerait bien aussi avec ça. Là. Petite game pas trop longue, ça altère pas trop les sens. Là. Parce que ça dépend. Moi, je jouerais à Flappy Bird. T'encourages celui qui gagne, puis t'es correct. Non, c'est ça, ça va bien. Je sais pas, moi, sans farce, je sais pas si c'est la cartouche flasque qui me m'influence, mais un petit coup de Duck Hunt. Ou c'est quoi le jeu? Des jeux vintage, des jeux vintage, me semble, ça irait bien avec. C'est quoi le jeu aussi de dégaine rapide qu'il y avait sur NES, que je me rappelle jamais le nom? Ah, sacrément. Ah, je t'en pose une bonne là. Moi, je jouerais à Yoshi Safari. Des genres de jeux avec le Super Scope ou Super Nintendo, là. Non, ça te prend tes deux mains, tu peux pas boire. Non, tu peux jouer à une main. Ah ouais? Mais quand t'étais jeune, ça te prenait deux mains. Quand t'es adulte, t'as une main, t'es capable. Tu peux même tenir le basic en dessous de ton bras. En tout cas, Eric, je peux tout de suite te dire, là, à voir là, comment mon Facebook va. Ton flasque est très, très, très populaire. Populaire, hein? Au niveau des auditeurs de puissance maximale. Ça en fasse, moi, en buvant ce petit cidre-là, là, de Duck Hunt. Tu prendrais une gorgée de Jack? Non, ça, le Jack, très peu pour moi. En tout cas, Eric va peut-être finir par trouver le jeu à un moment donné, là. Mais voilà, ouais, ce genre de petit jeu-là sur NES avec le zapper, là, ça irait bien. Le zapper dans une main, mon verre décide dans l'autre. Je suis prêt à toute éventualité. C'est ce que je ferais. Toi, as-tu une autre suggestion, Louis-Étienne? Dans les jeux? Ouais, vite de même, là. Un jeu léger, Aventurier du rail. Ah, oui. Quelque chose, où j'ai jamais joué à ce jeu-là. Tu peux te laisser aller, tu peux boire en masse, puis tu vas quand même avoir du plaisir à jouer. Hogan's Alley. Ah, voilà. Merci. Et as-tu vu que je t'ai tagué? Oui, j'ai vu. Donc, excellent. Nous avons tourné du rail. Merci pour la suggestion, Louis-Étienne. Donc, messieurs, on va commencer par la mise à prix. Combien de chapeaux de cow-boy sur 10 donnez-vous à la mise à prix? Ah, moi, c'est un solide 9. Un solide 9 du côté d'Éric. Monsieur Castegan? 8. Un 8. Moi, j'irais d'un 8.5. Parce que moi, pour la vie de château, j'avais mis un 9. Je l'aime pas autant, mais quand même une très bonne bière. Donc, ce qui explique mon 8.5 chapeau de cow-boy. Sinon, si on va du côté du cidre Happy Hop, combien de pomelo sur 10 offrez-vous à ce cidre? Ben là, je vais surprendre tout le monde. Là. Moi, vous jetez à terre, là, mais c'est un 8.5. 8.5? Ah, mon Dieu! 8.5 pomelo sur 10. Attends un peu, je vais le mettre sur Facebook. Non, regarde, pas chier. Non, c'est astique, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment, belle surprise. Vraiment bon. Oui. Monsieur Castegan? Un 9. Ah ouais? Tabarouette. Oh, toi, tu te lances. Non, moi, ça j'ai donné un grand coup à soir. Ça rentre dans mes cordes. Là. Je me modère parce que sinon, le verre serait déjà vide. Là. Ouais, tu conduis, toi. Calme-toi. C'est vraiment... Toi, tu marches à pied, toi? Et ce silencieux tout dire. Non, t'es un peu, là. Wow! Je vais te sortir ma carte de tolérance zéro. Voilà. Hein? Quand même, là. Non, on est prêt à toute éventualité, puis ça se maximise. Je vais te sortir ma carte de point limite 08, là. Et M. Louis-Étienne, combien de rails, dans ton cas, sur 10? Moi, je vais aller avec un 7. Un 7? Oui, il est léger. Il y a un petit quelque chose de léger qui fait que... Je sais pas. T'aimes ça plus liquoreux, toi? Oui, peut-être un peu plus liquoreux. Un 7, ça fait... Si vous me pardonnez l'expression, ça fait plus un drink de femme. Ouais, ben... Je suis bien d'accord avec toi. Mais moi, j'aime ça, les drinks. J'assume mon côté féminin à ce soir. Ah, ben, il n'y a pas de problème, on en a tous un. Hein? Ben, c'est ça. Donc, moi, de mon côté, je vais y aller avec Eric. 8.5. Franchement, un très, très, très bon produit que je vais me. Je vais aller me racheter ça pour, je pense, déjà au party de Saint-Jean chez mon frère. Là. Oh boy, OK. Ah oh, oui, ça va être... ça va être projection dans l'avenir. Ah oh, oui, c'est sûr et certain qu'il va en avoir sur à côté du barbecue et du terrain de football. Donc, on vous parlait du cidre Happy Hop. Donc, Verger de la Colline, c'est ça? Oui, exact. Que vous pouvez aller vous chercher, bien évidemment. Puis c'est une belle nouveauté au dépanneur tout près. Ça fait pas longtemps qu'ils ont ça. Donc, allez vous chercher ça, mesdames et messieurs, au dépanneur tout près, situé à Lévis. Je vais vous poster sur la page de Puissance Maximale, leur page Facebook, pour que vous puissiez aller liker leur page, bien évidemment, et avoir toute l'information qu'il faut pour aller les retrouver. Puis en même temps, sur leur page, leur page Facebook, bien, ils annoncent leur nouveauté également. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir rester à l'affût. Monsieur Castegan, il est temps de repartir en pause musicale avant de parler avec Monsieur Louis-Étienne du jeu de Plateau Québec. On va aller écouter la chanson Skyrim Meets Metal d'Éric Calderon. On vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sous les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, de retour à puissance. Tu te fais avoir à chaque fois. J'adore cet indicatif. Ouais, parce que là, j'ai un problème d'écouteurs en plus. Donc, de retour à puissance maximale après Skyrim Meets Metal d'Éric Calderon. Et je t'allais avec un concept en plus. Ouais, c'est ça, parce qu'on va parler jeu, mesdames et messieurs. On va parler d'un jeu du Scorpion Masqué, justement. Le jeu Québec. Bonjour, Louis-Étienne. Bonjour, bonjour. Et là, pourquoi tu veux nous parler du jeu Québec? Là, tu m'as marqué ça là, hors d'onde, là, mais là, tu vas expliquer ça à nos auditeurs. Il faut que j'explique. On parle de Québec, donc, étant à Lévis, soit on aime Québec ou soit qu'on aime détester Québec. Fait que c'est un concept. Wow, wow, wow, wow. Je déteste pas Québec. Mais tu préfères nettement la Rive-Sud. Je déteste le pot de parking de Québec. C'est pas pareil. Alors, t'aimes détester une partie de Québec. Ouais, c'est ça. Alors, et le fait que le monde de Québec traverse pas Lévis. Et voilà. T'as peu. J'ai traversé. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Je traverse. Vous avez quelque chose à faire. On a une mission, mesdames et messieurs. Vous avez une mission à remplir. Voilà. Mettez, voilà. Mettons que je vous inviterais à venir chez nous prendre une bière. Ben, je suis pas convaincu que juste ça, comme ça, l'argument pencherait dans la balance. Peut-être qu'il y ait du fromage salé dans ben, peut-être, jeu, peut-être pas toi, Louis-Étienne, peut-être que tu viendrais, mais je sais très clairement que Mike, il descendrait pas. Ben, ça dépend. Si tu nous offres le site de tantôt, ça aiderait. Non, non, c'est ça. Puis avec du fromage salé en saumure. Des œufs dans le vinaigre, des présume. Langues. Ouais, toi, chez Guéry qui viendrait pour les langues, ça. Ah, c'est clair. Ouais, c'est ça. Mais wow. Bref, messieurs, arrêtons de parler boustifaille. Oui, c'est ça. Et allons-y du côté de Québec, donc. Pourquoi Québec? Ouais. Tu m'avais posé la question. En tant que tel, le jeu est créé par Philippe Beaudoin et Pierre Poisson-Marquis. C'est un jeu qui a été découvert lors des Journées ludiques de Québec en 2007. Ce qui est intéressant, c'est un festival annuel. Puis dans le festival en lui-même, il y a les plateaux d'or. Oui. Les plateaux d'or étant un concours pour tous les amateurs faire découvrir les jeux qu'ils ont créés durant la dernière année ou des concepts qu'ils avaient dans leur garde-robe. On sait tous que quand on déménage, on découvre des squelettes dans le placard. J'avais pensé à ça, moi. Oui, voilà. Donc non, en 2007, ils sont arrivés avec une idée. Ils l'ont présenté à un jury qui était, ma foi, très... ils ont apprécié. Et de fil en aiguille, le jeu a été édité en 2011. Et c'est devenu un jeu qui est reconnu et connu au-delà du Québec. Ouais, il y avait eu un gros hype là, en 2011 quand c'est sorti ce jeu-là. Je me rappelle, j'en entendais parler partout. Ben, aux États-Unis, en Europe, les instructions viennent en allemand puis en anglais. Bon. Et là, t'as les trois langues principales pour le jeu. Et voilà, t'es ça, en business. Ça a été découvert donc lors des plateaux d'or. Mais c'est quoi Québec? C'est quoi le jeu? C'est quel type de jeu de plateau? Le jeu en tant que tel, c'est un jeu, je te l'associe, c'est un nouveau genre. Okay. Un proche de la construction. Mais c'est un jeu où on est... Selon les... Je vais y aller avec le petit historique, le petit background. Il me faudrait quasiment une musique de fond de Versailles. Ah, trouve-nous ça... J'ai pas ça. Non, ouais, non, j'y aurais fait. Y'a pas de clavecin. Ouais, du clavecin. Sur le bord. On va aller voir dans la fin de la secteur 51. C'est sûr qu'il y a ça. Il aurait fallu que j'annonce avant. Mais bon, en gros, tu incarnes le riche fils ou fille ou Dieu sait quoi, le compagnon fidèle de la famille, et tu as plein d'argent et tu construis Québec. OK. Sur quatre générations. Ah, c'est donc, le jeu se déroule vraiment en quatre manches. Et après chaque manche, on décompte les points que tu as fait lors de la dernière manche. J'ai la toune de Jeopardy, là, mais... Non, ça ne fit pas, Andrew. Donc, c'est sur quatre manches. Ce qui est le fun, c'est que le jeu peut être joué sur trois modes. Donc, le mode familial, le mode gamer, puis le mode hardcore gamer. OK, c'est quoi ces modes-là? Ben, le mode familial, on y va simple. Donc, c'est un jeu de plateau. Tout le monde a choisi une couleur... à leur convenance. Et le but du jeu, c'est on investit des petits ouvriers. Donc, on a plein d'ouvriers. Puis, en tant que tel, on fait des actions où on construit des bâtiments. Et on aide les autres à construire leurs bâtiments. Mais en faisant ça, ça nous donne de l'influence. Il y a quatre zones d'influence. Et c'est un peu le côté plaisant. Comme en politique, dans la quatrième génération, on peut jouer le maire Régis Labeaume. Ah! Bien évidemment. Et juste doit être content d'avoir sa face dans un jeu. Sa face n'est pas là, son nom face, seulement. C'est juste son nom, mais d'être dans un jeu consacré comme ça. Ben, c'est ce que j'ai trouvé comique. Moi, je me lance, Louis-Étienne, là, t'as la boîte, moi, je vais regarder ça. Là. Ben, regarde, j'attends pas. Tu mettras pas une photo en plus? Là, il faudrait que quelqu'un mette la photo, parce que là, j'aurais pas le temps de tout faire, là. Parce que j'ai tout ça sous la main. On va ouvrir ça, ouais. C'est un jeu quand même assez gros. Il est le fun, il est en carton. Oh oui, c'est un beau plateau. C'est ça. Même les counters sont assez beaux aussi. Ils sont en bois, donc c'est plaisant. C'est du bois de Québec? Non, j'aimerais dire oui, mais je m'avance pas. Donc, est-ce du bois recyclé? Là, ça bouge sur la table ici. Là, ouais, parce on que là, essaie on... de te faire de la place. À peine. Mais là, il y a juste Eric qui fait beaucoup trop de bruit. Hey. Moi, j'aime ça, justement, les jeux où on a des belles pièces de qualité comme ça. Jeux robustes, premièrement, parce que des fois, on promène ça chez des amis, tout. Puis là, quand on sort, on n'est pas obligé de scraper à chaque fois qu'on le sort. Là. On a vraiment un plateau de qualité. Oui, oui, tout à fait. Les pièces aussi sont belles. Fait que là, après ça, t'avais le mode gamer? Oui, ben le mode familial, en tant que tel, on construit des bâtiments. OK. Les bâtiments, il y en a qui sont divisés sur 4 aires. Et on investit sur les bâtiments de chaque individu. Ce que ça fait, c'est qu'en investissant sur un bâtiment, il y a 4 types de bâtiments qui sont selon l'influence. Donc, la religion, la politique, l'économie et l'art. Donc, avec cela, ce qui arrive, c'est qu'on compte carrément les points à la fin. Celui qui a le plus de points dans chaque catégorie augmente. Ça, c'est le mode familial. Le mode gamer, à ce moment-là, il y a une petite twist qui se rajoute. On appelle ça, dans le jargon gamer, du cascading. OK. Et qu'est-ce que le cascading? Le cascading fait que, lors de la première phase, donc on y va pour la religion, on compte les points de religion, celui qui en a le plus, il prend la moitié de ses jetons et les transfère sur la sphère politique numéro 2. Donc, ces jetons valent plus de points toujours. C'est toujours le joueur le plus fort dans une des sphères, transfère la moitié de ses pions et il recalcule les points encore une fois. Donc, ça peut être de façon exponentielle au niveau des points. Et la stratégie, je te dirais, on a tous un petit gamer, un power gamer dans ses amis. Ben, de quoi tu parles? Mathieu Lagacé. Et celui qui passe toujours 5 minutes pour jouer son tour et qui fait que le jeu qui est censé durer 1 heure dure 2 heures. Ouais, c'est ça. Bon, celui-là va prendre une éternité à calculer. Il peut s'en sortir à faire une multitude de points. Il y a le hardcore gamer. C'est juste une petite twist de plus. Ça s'appelle des cartes événements. OK. Et l'événement, à chaque heure, on en tourne une. Et c'est une façon de faire plus de points de façon instantanée. Donc, le premier qui fait, qui remplit les conditions de la carte événement, gagne les points immédiatement. Donc, en soi, c'est un jeu assez simple. Un jeu qui dure 90 minutes, normalement. C'est combien de joueurs? Le joueur, c'est de 2 à 5. OK. On recommande 13 ans et plus, mais je vous dirais que, comme tout jeu de société, on peut y aller avec selon ce qu'on pense qui est le mieux. Là. Puis si on est prêt à expliquer plus longtemps aux jeunes joueurs aussi. Oui, parce que des fois, ou ça à papy, mamie, des fois. Ouais, j'avoue. Mais et voilà. Excellent. Donc, pour les gens qui sont intéressés par la construction dans notre bonne vieille ville de Québec, c'est possible de le faire grâce au jeu Québec édité chez le Scorpion Masqué. Donc, on vous rappelle, 2 à 5 joueurs, 60 à 90 minutes pour une partie, 13 ans et plus. Vous allez vous chercher ça dans votre magasin préféré de jeux, entre autres. Ou à la revanche. Ben justement, ce que j'allais proposer, allez le tester à la revanche. Puis, si ça vous plaît, ben pourquoi pas l'acheter sur place? Tout à fait. Juste à demander à nos amis, Danny et Michel, s'ils ont ça sous la main. Puis, ou sinon, ils vont s'arranger pour l'avoir pour vous, sans aucun problème. C'est un jeu très simple à expliquer. Je vous dis 5-10 minutes, puis on commence à jouer, pas de problème. Hey, crime, commence à nous expliquer ça tout de suite, on va jouer après l'émission. Non, c'est ça, on n'ira pas se coucher. Hey, écoute, merci beaucoup, Louis-Étienne, d'être passé à l'émission. Puis on rappelle que Louis-Étienne, en plus d'être notre collaborateur maintenant au niveau des critiques de jeux de plateau, ben c'est aussi un des membres de l'organisation des Journées ludiques de Québec. Donc, si vous voulez nous voir et le voir, ben ça sera possible de le faire au mois de juin, début juin. Mi-juin, 14-15 juin. 14-15 juin pour les Journées ludiques de Québec. Et c'est à quel endroit déjà? C'est au centre Michel Labadie, dans le coin de Chauveau. Si on part de Lévis, on a juste à rester en tant que tel sur la route vers Shannon. Puis c'est juste à côté. Si on sort à Chauveau, c'est immédiatement à côté. Puis c'est la même salle que l'année dernière? Toujours, oui. C'est vraiment un bel endroit. Ça vaut la peine. Puis en plus, l'année passée, je suis allé en début d'après-midi, le samedi, puis c'était déjà pas mal plein. Dame Nature nous avait choyé. Il pleuvait cette fin de semaine. Ouais, c'est toujours ça. Plaisant. Non, c'est ça, c'est sûr. C'est certain que quand il fait mauvais dehors, les activités intérieures reprennent du dessus. Mais suggestion comme ça, si ça vous intéresse de vous rendre aux Journées ludiques, ben attendez pas d'y aller en milieu d'après-midi un jour de pluie. Si vous voyez qu'il fait pas beau, vous voulez être là, arriver de bonne heure, payer votre passe, puis profitez-en pour la journée, parce que Il y en a vraiment beaucoup de jeux que vous pouvez tester. On a au-dessus de 1000 jeux, puis le dimanche, c'est familial, donc les enfants sont conviés, et on a des animateurs enfants aussi pour expliquer. Ah bon, mais en plus, donc n'ayez pas peur pour le dimanche, si vous voulez amener la petite famille, de vous présenter aux Journées ludiques, donc au 14 et 15 juin prochain. Merci beaucoup, Louis-Étienne, d'être passé à l'émission. Si je peux prendre un petit deux minutes. Ben vas-y, vas-y. Moi, j'encourage tous ceux qui ont des créations de jeux qui attendent sur la, sur papier et autres. Venez sur notre site Internet, toutes les informations sont là. Vous pouvez soumettre vos idées et il va y avoir des maisons d'édition sur place qui vont pouvoir voir vos jeux et vont former un jury qui vont pouvoir déterminer. C'est tout à votre avantage. Le jeu de l'année passée, Creationa, a été découvert justement par la maison d'édition de Tiki et ils sont présentement en plan de match pour pouvoir mettre le jeu sur le marché. Ben, on dit autant aux gens, allez aux journées ludiques, allez participer. Mais on oublie de dire aux gens, si vous avez une idée, ne vous gênez pas, allez vous présenter au plateau d'art pour vous faire découvrir vos jeux, présentez-vous à la journée, puis c'est l'endroit idéal pour faire découvrir, ouais. Pour faire découvrir vos créations, vos idées. Et si ça vous tente de rentrer dans ce monde-là, dans cette business-là, ben c'est un excellent point d'entrée. Tout à fait. Merci beaucoup, Louis-Étienne. Merci à vous. Tu seras en même temps, le dernier mercredi du mois, en même temps, à chaque fois, en même temps que Monsieur La Jeunesse. Ton verre est déjà là. Ouais, t'attendais. Ton verre réservé pour les dégustations. Il manque juste un thème. Les deux snooze vont être sous le contrat. Ouais, c'est ça. Si Alexandre et les deux snooze nous écoutent. Mais Alex, faut qu'on se reparle pour faire un petit thème à notre ami Louis-Étienne. Et voilà, c'est dit, c'est lancé. Mesdames et messieurs, il est temps de partir pour une dernière pause musicale avant la fin de l'émission de cette semaine. On vous envoie la chanson Nobody Gets Out Alive du groupe Skindred dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. 96.9 FM. Them a come and them a try dog we out. Burn down pill we are the roughnecks girl. Music we make for make the crowd jump up. Crowd get high pass splatter and the rapper. Blend up the rag or metal punk hip hop. Unity sound killer groove non step. In every displace I saw this song will survive. Strength and power I gon' keep them alone. My song we come to take over. MC you better look over your shoulder. Yeah, you know we are out and on. Oh well no. Skindred, we in all your area. Bring the rock, cause you know we're superior. Yeah, you know we earn it all. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Oh, I'm a nigga tongue, and they shop it online. Nobody, nobody gets out alive. I'm a nigga tongue, and they shop it online. Nobody, nobody gets out alive. Nobody gets out, and they shop it online. I'm gonna be one number one, six and seven, put the tree. And no, I'm a nigga tongue, and they shop it online. Nobody, nobody gets out alive. Nobody gets. I come and them I try flex with it. Show them the rag a pampa. Watch them at twist. Sting like a scorpion, buzz like an ee. Full of fast officer, I go drop what boy. This is what we want here. You got to know if you think you're a star. Come and never go. My show we come to take over. MC you better look over your shoulder. Yeah, you know we are the road. Oh well, no. Jack, we in all your area. When we rock out, you know we're superior. Yeah, you know we earn it all. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Oh, I'm a nigga tongue, and they shop it online. Nobody, nobody gets out alive. I'm a nigga tongue, and they shop it online. Nobody, nobody gets out alive. Oh, I'm a nigga tongue, and they shop it online. Come follow me one number one, six and seven, I'm a bitch. Oh, I'm a nigga tongue, and they shop it online. Come and crack the lumber, crack the lumber. Nobody gets out alive. Nobody gets out of this place alive. Nobody. I'm following one on two, one, six, and seven, and jumping up there. Oh, my nigga, it's on time, they're jumping for life. Nobody, nobody gets up to life. Body, nobody, body. Nobody gets up to life, jumping for life. Nobody, nobody gets up to life. Nobody gets up to life, jumping for life. Nobody, nobody gets up to life. I was never a bitch, I'm not gonna come up on this. Salut, c'est Fred. Seb. Vous écoutez Puissance Maximale. Maximale. Il y a plein de mal. Ça me fait toujours rire quand j'entends le joueur du grenier et Seb faire des niaiseries pendant qu'ils parlent de notre émission. Donc, le joueur du grenier et Seb qu'on a rencontré à Janimé 2014. Plein de mal. Donc voilà, c'était la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Toujours content de parler jeu avec vous. Je tiens à remercier M. Éric Lajeunesse qui est passé ce mois-ci pour nous parler bière. On a parlé de bière et de cidre. Merci beaucoup, Éric. Ok, tout le plaisir était pour moi. J'espère bien. Merci beaucoup à M. Louis-Étienne Dégagné qui est venu nous parler du jeu de plateau Québec et qui sera maintenant un collaborateur à tous les mois de Puissance Maximale en même temps qu'Éric pour venir nous parler de jeu. Merci beaucoup, Louis-Étienne. Ben, ça fait plaisir. On va tenter de parler de dinosaures la prochaine fois. Oh yes, j'aime toujours ça parler de dinosaures. Surtout ceux qui détruisent des trucs. Et merci beaucoup à M. Endo Castega dans la console. C'est toujours un plaisir. Je vais m'arranger pour avoir une autre nouvelle de Goat Simulator. Non. Et mon ami Michel Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur notre site pour écouter nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Allez surtout sur la page Facebook de Puissance Maximale pour aimer la page. Comme ça, vous allez avoir plein de primeurs sur l'émission. Des nouvelles ludiques toute la semaine, ainsi que la possibilité de participer à tous nos concours. Il y en a d'autres qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. Et évidemment, on vous demande, mesdames et messieurs, de passer une excellente semaine de jeu. We use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we one, two, three, four, die! Bonne semaine.